إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الله عز وجل اختار أزمنة يتفضل بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة، ويعطيهم على القليل الكثير، يغفر فيها للمستغفرين، ويتوب فيها على عباده المؤمنين، ويجيب السائلين. هذه الأزمنة تتكرر من عام إلى عام، ومن وقت إلى آخر، منها شهر رمضان، ومنها هذه الأيام العشر، ألا وهي العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فإنها أيام فاضلة عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها في كتابه، قال تعالى: والفجر وليال عشر. فالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي هذه الأيام العشر تجتمع أمهات العبادات، فيجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة وذبح الأضاحي والهدي وغيرها، والتي لا تجمع في غيره. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des moments dans lesquels Il multiplie la récompense des œuvres pieuses qui y sont accomplies, des moments qu'Allah Azza wa Jal a déterminés, dans lesquels celui qui fait des œuvres en petite quantité, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une immense récompense. Allah Azza wa Jal a déterminé ces moments dans lesquels il pardonne à ceux qui lui demandent le pardon, dans lesquels il accepte le repentir de celui qui revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Et ces moments se répètent d'année en année. Il y a parmi ces moments bénis le mois du Ramadan, mais il y a également les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah qui vont rentrer incessamment sous peu. Ces dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala a montré leur immense récompense. Ceci en jurant par ces jours, il dit Azza wa Jal, par l'aube et par les 10 nuits. Et les 10 nuits ici, celles qui sont voulues, ce sont les 10 premières du mois de Dhul-Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que des adorations accomplies pendant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont meilleures que la lutte dans le sentier d'Allah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas des jours dans lesquels les actes vertueux sont plus aimés chez Allah que les actes accomplis pendant ces jours, que les actes accomplis pendant ces 10 jours. Ils ont dit: oh envoyé d'Allah, même la lutte dans le sentier d'Allah. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: même la lutte dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que même la lutte dans le sentier d'Allah n'est pas meilleure que celui qui accomplit des œuvres vertueuses pendant ces 10 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam démettre une exception à cela en disant: sauf un homme qui est sorti avec sa personne, avec ses biens, c'est-à-dire pour lutter dans le sentier d'Allah, et ne revient avec rien de tout cela. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et durant ces jours, un grand nombre des plus importantes adorations sont réunies. Ces jours réunissent entre la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône et le fait de sacrifier des bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Autant d'adorations qui ne sont réunies ensemble dans aucun autre moment. وفي هذه الأيام يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة وأنزل فيه قوله تعالى وأنزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو للحجاج أساس حجهم قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومن لم يقف بها فلا حج له فيه تجاب الدعوات وتغفر الذنوب والسيئات قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ويشرع للحجاج في هذا اليوم الإكثار من الدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي هذه الأيام العشر يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله كما في سنن الإمام الترمذي وهو حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر وفي هذا اليوم تراق دماء الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل وهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات فقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فقال فصل لربك وانحر وقال عز من قائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il s'y trouve le jour de Arafah, ce jour immense dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion, un jour dans lequel il a comblé de bienfaits les croyants, un jour dans lequel Allah azzawajal a révélé sa parole. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'accorde et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Le jour de Arafat, qui est un pilier du pèlerinage, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage c'est Arafat. Et celui qui ne fait pas la station à Arafat, il n'y a point de pèlerinage pour lui. Un jour dans lequel les invocations sont exaucées, un jour dans lequel le péché et les fautes sont pardonnés, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala sauve le plus ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafah, rapporté par l'imam muslim dans son Sahih. Il est légiféré aux pèlerins pendant ce jour de Arafat de faire beaucoup d'invocations et de répéter la parole qui est la suivante: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette parole, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure parole qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prophètes qui l'ont précédé. Et durant ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah, il s'y trouve également le jour du sacrifice, le jour de la fête du sacrifice, qui est le plus immense jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le plus immense des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. Durant ce jour, les bêtes sont sacrifiées en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des adorations les plus importantes et de celle qui rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a de nombreuses reprises dans le Coran a cité ensemble la prière et le sacrifice. Il dit Azza wa Jal dans Sourate Al-Kawthar, prie pour ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire pour ton Seigneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-An'am, dis ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Wa awla al-a'mali bil ihtimam في هذه الأيام هي الفرائض التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وصلة للأرحام مع ترك المحرمات والمنكرات فذلك أفضل ما يتقرب به المسلم لربه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم يكثر بعد ذلك من نوافل العبادات فبها تكمل الفرائض وترفع الدرجات ففي الحديث القدسي أيضا كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et ce qu'il est recommandé de faire pendant ces 10 premiers jours, c'est bien sûr d'accomplir convenablement les obligations qui incombent aux musulmans. Les obligations parmi la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat et le fait de nouer les liens de parenté, tout en délaissant les formes d'interdit et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la meilleure chose à travers laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte la parole d'Allah dans le hadith Qudusi. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose la plus aimée chez moi qui est ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis après avoir accompli les obligations en bonne et due forme, eh bien il est conseillé aux musulmans durant ces jours de faire beaucoup d'actes d'adoration surérogatoires. Car ces adorations surérogatoires viennent combler le manque présent dans les adorations obligatoires. Et ceci également élève en degré le musulman. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudusi, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. المباركة الصيام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة وذلك لما للصيام من أجر عظيم عند الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا ويزداد أجر الصيام إذا وقع في هذه الأيام المباركة ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال يكفر السنة الماضية والباقية ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام أحمد كما في مسند الإمام أحمد ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله عز وجل فيه أجر عظيم وهو من أيسر الأعمال وأسهلها قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. Et parmi ce qui est légiféré pendant ces jours, ces 10 jours de Dhul-Hijjah, c'est de beaucoup jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah, car il y a une immense récompense dans le fait de jeûner. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour pour Allah sans qu'Allah n'éloigne son visage par ce jour qu'il a jeûné, sans qu'Allah n'éloigne son visage du feu et l'éloigne d'une distance parcourue en 70 années. Et nul doute que la récompense du jeûneur est d'autant plus grande s'il jeûne pendant ces 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et il est d'autant plus recommandé pour celui qui n'est pas au pèlerinage de jeûner le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il a répondu, son jeûne expie les péchés d'une année passée et de l'année suivante. Parmi les actes également qui sont légiférés pendant ces jours, de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers le tasbih, le tahlil, le takbir, le tahmid, à travers la lecture du Coran et à travers la demande du pardon. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des jours plus immenses auprès d'Allah et dans lesquels les actes vertueux sont les plus aimés chez lui que pendant ces 10 jours. Répétez donc souvent le tahlil, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, le takbir, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar, et le tasbih, c'est-à-dire de dire Subhanallah. Et il y a dans le rappel d'Allah une immense récompense. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire évoquer, faire l'évocation d'Allah Azza wa Jal, fait partie des adorations les plus simples à accomplir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, est meilleur pour moi que ce sur quoi le soleil s'est levé. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la prière de Subh en groupe, puis s'assied pour évoquer Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, puis accomplit 2 unités de prière, il aura alors la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet, complet, complet. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي ففي ذلك أجر عظيم وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من بعده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وقال أنس بن مالك كما في الصحيحين ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأضحية من غير عذر، فقال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واعلموا أيها المسلمون أن للأضحية أحكاما وأدابا ينبغي للمسلم أن يراعيها، منها أن من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يقص منها شيئا من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. Et parmi les actes légiférés pendant ces jours, il y a le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant une bête. Il y a dans cela une immense récompense. Et ceci est la voie de notre père Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a également légiféré. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé à Médine pendant 10 ans. 10 années dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié des bêtes le jour de l'Eid. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié deux béliers qui étaient de couleur blanche et noire et qui avaient deux cornes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de sa propre main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde celui qui délaisse le sacrifice de l'Eid sans excuse. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui en a la possibilité, mais ne sacrifie pas alors qu'il n'approche pas notre lieu de prière. Celui qui a la possibilité, c'est-à-dire la possibilité financière, de sacrifier le jour de l'Eid, mais ne le fait pas, qu'il n'approche pas notre lieu de prière. Et sachez que des règles régissent le sacrifice de l'Eid. Et le musulman se doit de les connaître. Celui, donc, qui veut sacrifier une bête le jour de l'Eid, qu'il sache tout d'abord qu'il doit s'abstenir de couper ses ongles ou d'arracher quelconque poil de son corps. Ceci depuis le premier jour de Dhul-Hijjah jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez le croissant de lune de Dhul-Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'il ne touche pas à ses cheveux et à ses ongles jusqu'à ce qu'il sacrifie, c'est-à-dire cette bête. ومن أحكام الأضحية أن تبلغ السن المجزئة شرعا فمن الغنم أي المعز ما أتم سنة كاملة ومن الضأن ما أتم ستة أشهر ومن الإبل ما أتم خمس سنين ومن البقر ما أتم سنتين كاملتين وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة أشخاص فلو اشترك سبعة في بعير أو بقرة أجزأت عنهم جميعا ومن أحكام الأضحية أن تذبح في وقتها المحدد شرعا ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين كما في صحيح البخاري ويمتد وقت الذبح إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ومن أحكام الأضحية أن تكون خالية من العيوب المخلة شرعا قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي. Et parmi les règles qui régissent également le sacrifice de l'Eid est que la bête sacrifiée doit atteindre l'âge légiféré en islam. Concernant les caprins, à savoir les chèvres, elles doivent avoir plus d'un an. Concernant les ovins, c'est-à-dire les brebis, les moutons, les agneaux, ils doivent avoir plus de 6 mois. Quant aux chameaux, ils doivent avoir plus de 5 ans. Et quant aux vaches et aux bœufs, ils doivent avoir plus de 2 ans. Ainsi, si une de ces bêtes n'a pas atteint cet âge et qu'elle est sacrifiée, elle n'est pas considérée comme étant un sacrifice du jour de fête. Et quant au chameau et à la vache, il est autorisé aux musulmans de se réunir à 7. Ainsi, de sacrifier un chameau ou de sacrifier une bête, si 7 personnes se réunissent, eh bien, elle suffira à ces 7 personnes. Parmi les règles également à savoir est que le sacrifice doit avoir lieu dans un moment bien déterminé. Et ce moment commence le jour de l'Eid, le jour de la fête du sacrifice, après la prière de l'Eid. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sacrifie avant la prière a sacrifié pour soi. C'est-à-dire que c'est de la viande qu'il mangera. Et celui qui sacrifie après la prière, alors il a complété son sacrifice et a suivi la voie des musulmans. Et ce moment s'étale et s'allonge jusqu'au coucher du soleil du troisième jour de Dhul-Hijjah. Du treizième jour, afwan, de Dhul-Hijjah. Ainsi, il y a quatre jours dans lesquels le sacrifice est autorisé. Le jour de l'Eid, à partir de après la prière, puis le onzième jour, puis le douzième jour, puis le treizième jour, jusqu'au moment qui précède le coucher du soleil. Et parmi les règles également qui régissent le sacrifice, c'est que la bête doit être saine de défaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre formes de bêtes ne sont pas considérées comme des sacrifices de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, la borgne, qui est borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse, dont l'infirmité est manifeste, et la vieille bête qui n'a plus de moelle dans ses os. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من الذين سيستفيدون من هذه الأيام العشر أفضل أيام السنة اللهم اجعلنا من الذين يحصلون في هذه الأيام بالأجر الكبير إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.